Salut, je suis en Savoie. Je voulais savoir si on se voit. J'ai un peu perdu la voix, mais je me demandais si ce matin, quelle voie nous prenions. Parce que c'est pas évident. Donc on se voit ce dimanche? Parce que moi, samedi, dimanche. Non, je dis samedi, dimanche. Quand l'autre dit jeudi, samedi, lundi, samedi, dimanche. Un jour, j'ai vu un sorcier. Il adorait méditer au haut des montagnes. Et un jour, je l'aperçus sur des monts, en train de méditer. Je lui dis, vous buvez du café? Il me fait, ah non, j'aime pas le café. Je préfère le thé. Je lui dis, mais pourquoi vous aimez pas le café? Il me dit, c'est pas bon pour la santé. Je lui dis, et le thé? Il me dit, ah, santé, c'est pas mauvais. Et tous les efforts que je lui ai fait faire pour boire du café s'avèrent vaines. M'a révélé un jour qu'il avait rencontré une pierre qu'il a trouvée très polie. Il lui a demandé son nom. Il lui a dit, parce qu'elle parlait, elle a dit, bah tu sais, je m'appelle Pierre. Tu t'appelles Pierre? Il dit, je te trouve bien poli comme Pierre. Elle dit, bah oui, mais tu sais, mais j'aime pas les gendarmes. J'ai dit, mais quel rapport pour une pierre polie? Elle dit, parce que les gendarmes ont la police aussi. Et donc ce sorcier démon avait une fille qui s'appelait Lucie. Il lui faisait toujours confiance. Eh oui, il laissait Lucie faire. Mais un jour, Lucie veut un jour prendre la relève et il ne savait pas en fait à quoi il s'attend avec elle. Si bien qu'elle en a profité pour vouloir prendre la place de son père. Il était désespéré, il s'est mis à genoux devant elle. Il s'est mis à genoux devant elle, en la priant de bien vouloir s'arrêter. Et à quoi s'attend-il? Puis il a décidé de la laisser. Il avait trop de chemises à repasser. Et Lucie lui a dit, « Mais où vas-tu, papa ?» Il lui dit, « T'inquiète pas, je repasse. » Bah dit, écoute, oui, si c'est ton destin, tant qu'à faire à repasser. Alors repasse. Bah, ça n'a pas été facile de repasser. Il avait tellement de chemises. Et puis le fer était en fer. Ouais, le fer était si sans fer. Et les chemises, c'est du coton. Et Lucie lui dit à son père, écoute papa, repasser des chemises, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier, non? J'ai dit, écoute, tu peux quand même faire appel à une repasseuse en moyennant quelques sous. Il dit, mais tu sais, ça coûte cher quand même. Il dit, oui, mais vaut mieux quelques sous que des sous, si. Il lui dit, mais des sous, si. Mais comment on peut la payer? On peut la payer en nature. Elle dit, écoute, faut lui des sushis. T'auras un souci. Ah, puis il va voir la repasseuse, il dit, mais combien pour repasser mes chemises et pour éviter mes soucis? Elle lui dit, ben, ça vous fera 6 sous. Six sous. Elle dit, comment? Bah, 6 sous. Mais vous êtes pas un peu bouché? Il dit, oui, c'était mon ancien métier avant. Ouais, ouais. J'avais d'ailleurs mon cousin Meyerguez qui travaillait avec moi. Et je l'appelais Meyerguez! Viens! On a du travail! Et ça, c'était quand j'étais bouché. Mais lui, il faisait la sourde oreille. Et ce sorcier, finalement, pour se défendre, avait toujours deux couteaux de chaque côté de son habit. Et il disait, pour moi, faut toujours protéger. Faut toujours se protéger. On a fini par l'appeler Bilam. Bilam va finir sa vie de façon heureuse aux côtés de Lucie, en laissant Lucifer pour l'éternité.